La deuxième partie, le sujet, les désirs visitent les besoins. Nous allons demander à Bernard s'il est possible de situer la certitude que l'on vit à travers un désir via le mental où il y a une certitude qui semblerait tout à fait différente. Donc, Bernard, une personne qui vit une passion, qui est passionnée pour quelqu'un ou qui est passionnée pour un domaine qui peut être un sport ou autre chose, dans sa passion, évidemment qui doit être de l'âme, il vit évidemment beaucoup de sentiments, beaucoup de polarités, mais il vit surtout une certitude qu'il est dans la bonne direction, qu'il vit quelque chose d'essentiel pour lui. Et j'aimerais voir votre point de vue sur cette certitude versus le mental qui semble présenter une nouvelle forme ou une nouvelle sorte de certitude. Donc, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui fait que l'être qui vit une passion semble s'impliquer ou s'engager dans le mouvement qu'il prend avec autant de certitude ou autant d'impression de certitude? Ça, c'est dû à l'inconscience de l'homme. Si l'ego était conscient, si l'ego vivait au niveau de l'esprit, autrement dit au niveau du mental supérieur, l'homme n'aurait pas besoin de certitude basée sur la vibration expérientielle de sa mémoire. L'homme n'aurait pas besoin de l'âme comme backup. Alors, lorsque l'homme est inconscient, sa certitude, cette passion forte qu'il vit dans n'importe quoi, dans l'amour, dans le travail, ainsi de suite, ça fait partie de la pression de l'âme sur sa conscience. C'est l'âme qui pousse l'être dans une direction et qui lui fait vivre une expérience valable, parce que pour l'âme, toute expérience est valable. Oui, ça, c'est un fait. Pas nécessairement pour l'ego, mais pour l'âme. Oui. Tandis que, et je vais revenir à ça, tandis que l'homme conscient, lui, ne vivant pas d'expérience, la certitude qu'il va aller chercher dans son mouvement fait partie de la connexion mentale qu'il a avec sa source, c'est-à-dire qu'il n'a plus besoin des humeurs de l'âme pour renforcer son action. Mm-hmm. Il a simplement besoin de la clarté de son esprit pour aller dans l'action. Il y a moins de... Comme l'homme qui vit de l'âme doit lutter, se battre, foncer, agir fortement à l'intérieur de cette vibration de l'âme. Mm-hmm. Tandis que l'homme conscient qui a une conscience mentale n'est pas intéressé et ne vivra pas cette lutte, cette force avec les éléments astraux de sa conscience pour rentrer dans l'action. Il va simplement rentrer dans l'action, mais... Ce qui va faire la différence, c'est le timing. Un homme conscient peut attendre 10 ans avant de rencontrer une personne pour faire telle chose. Un homme conscient peut attendre 5 ans pour aller dans tel commerce. Parce qu'il ne vit pas son commerce au niveau de l'expérience. Il va vivre son commerce ou son l'événement de sa vie en fonction du timing, de la chronologie que lui impose par clarté son esprit. Tandis que l'homme, dans son inconscience, n'étant pas conscient des lois du temps au niveau du mental, va vivre l'événement très souvent avant le temps. C'est pour ça d'ailleurs que souvent les hommes, on dit souvent que la vie de l'homme, elle est marquée par une courbe sinusoïdale. Il y a des hauts et des bas, des hauts et des bas, des hauts et des bas. Alors l'homme commence, il s'en va dans une certaine direction, ça va mal, il lâche, il s'en va dans une autre direction, puis finalement il arrive à un certain niveau, ce qu'on appelle un certain niveau de succès, ainsi de suite. Mm-hmm. Tandis que pour l'être conscient, pour l'être qui a une conscience mentale, il ne peut pas vivre sa vie en fonction d'une courbe sinusoïdale. Sa vie est toujours c'est toujours une ligne droite, mais une ligne droite qui est toujours raffinée. C'est comme si la ligne droite peut avoir une épaisseur, mais toujours raffinée, puis raffinée, mais il n'y a pas ses hauts et ses bas. Parce que où il s'en va, ça fait toujours partie de l'alliance entre l'ego et l'esprit, utilisant la mémoire de l'âme comme réserve, comme comme background, si vous voulez, expérientiel. Tandis que l'homme inconscient a seulement l'ego et l'âme. Alors que l'homme conscient a l'ego, l'âme et l'esprit. Il y a un troisième paramètre. Mm-hmm. Et c'est tout ça qui fait la différence. Parce que quand on est inconscient et qu'on se cherche du travail ou qu'on se marie ou qu'on fait quelque chose dans la vie, on n'a jamais la certitude créative de notre mental. On a la certitude passionnée de l'âme. On a la certitude passionnée de l'expérience. On a la certitude passionnée qui est la force motrice astrale qui nous pousse dans une certaine direction, mais très souvent, ces expériences-là sont pour le bénéfice de l'évolution de l'âme et elles sont au détriment de l'ego. Et ce que je reproche à la vie évolutive, c'est que l'homme sur la Terre, pendant des millénaires, a été forcé de vivre une vie qui a servi beaucoup plus l'évolution de l'âme qu'elle n'a bénéficié l'ego. Oui. Et une des preuves de ceci, c'est que sur la Terre aujourd'hui, il y a énormément de pauvreté. Sur la Terre aujourd'hui, il y a très peu d'hommes, si on considère la population, qui font ce qu'ils veulent. Il y a très peu d'hommes qui vivent comme ils veulent. Il y a très peu d'hommes qui sont mariés comme ils veulent. Autrement dit, l'homme ne vit pas sur la terre comme il veut. Il vit en fonction et par rapport à des humeurs animiques, à des forces de l'âme qui, à travers la passion, comme vous dites, à travers cette décharge d'énergie qui est nécessaire pour enclencher le mouvement, amène l'homme à faire des choix, mais des choix qui sont basés sur des préférences psychologiques, c'est-à-dire sur des humeurs astrales, alors que l'homme conscient ne fait pas de choix. Il prend une décision à partir du moment où il a la lumière pour éclairer. C'est comme vous avez une flashlight, vous allumez la flashlight, vous voyez le spot-là, c'est là que tu rentres. Mm-hmm. Ensuite, la clarté indique là, ben, tu vois le petit spot, tu rentres là. Mm-hmm. Fait qu'il n'y a pas de décision à prendre, tu rentres là. Mm-hmm. Tandis que l'homme inconscient n'a jamais ce spot-là. Il tâtonne le mur pour voir s'il y a un trou qui peut rentrer dedans. Ouais, c'est ça la différence. C'est pour ça que quand je dis que je rapproche à la vie évolutive, c'est parce que je la mets en contraste, ou je la contraste avec la vie de l'évolution, avec la vie de la conscience des cellules, avec la vie de la conscience mentale, que l'homme connaîtra au fur et à mesure où il prendra lui-même conscience de ses ressources. C'est que nous avons été pendant des millénaires assujettis astralement. Nous avons été assujettis aux forces de l'âme, et ces forces de l'âme-là, sur le plan matériel ainsi que sur le plan de la mort dans l'astral, ont toujours travaillé en tandem pour utiliser ce qui existe de notion dans nos sociétés pour toujours nous garder, les hommes, à l'intérieur de cet empire, au lieu de nous libérer de cet empire, et donc de nous amener à vivre plutôt d'un esprit libre au lieu d'un libre arbitre. Okay. Vous allez, si vous dites à un homme sur la terre aujourd'hui que le libre arbitre est une illusion, il va le contester, il va se fâcher, il va vouloir demeurer dans l'illusion du libre arbitre. Et d'une façon ou d'une autre, on peut toujours lui démontrer que le libre-arbitre est une illusion. La preuve, c'est qu'on peut dire, bon, ben, dans deux semaines, à telle heure, tu vas avoir un accident avec ton automobile. Alors que si l'homme était conscient, autrement dit, si l'homme était libre dans son esprit, il pourrait défaire ça. Un homme conscient dans son esprit, qui se ferait dire par un médium que dans deux semaines, il y aura un accident au coin de telle rue, il peut le défaire. Pourquoi? Parce que l'esprit domine l'âme. Mm-hmm. Tandis que chez l'homme, l'âme domine l'ego, et l'axe entre l'esprit, l'âme et l'ego n'est pas formé, ce qui est l'inconscience, ce qui est l'évolution. Donc, parler sur notre planète d'intelligence créative, c'est une illusion, c'est une perte de temps. On a une intelligence qui est canalisée, qui vient du plan de l'âme, qui fait partie de notre talent. Mm-hmm. La vieille histoire là, que les gens disent souvent, bon, moi je suis un artiste, il faut que je souffre comme artiste. C'est un mythe, ça. C'est un très grand mythe, et on l'a entretenu, ce mythe-là. Il est entretenu en Europe, ce mythe-là, au 19e siècle. Alors, pourquoi est-ce que l'artiste devrait souffrir? Pourquoi est-ce que le scientifique devrait souffrir? Pourquoi l'homme créatif devrait souffrir? C'est une illusion. Parce que, et la seule raison pour laquelle l'homme souffre dans son activité sur le plan matériel, en affaires, ou dans n'importe quoi, ou dans son ménage, ou dans n'importe quoi, c'est parce que ce qu'il vit, c'est une expérience de l'âme. Il n'a pas maté l'âme. Et les structures psychologiques de notre savoir, autrement dit, de notre connaissance, qui font partie de nos philosophies, de nos systèmes de pensée, ainsi de suite, qui font partie de la mémoire de nos races, que nous soyons, que l'on soit arabe, que l'on soit italien, que l'on soit russe, que l'on soit indien, n'importe quoi. Tout ça fait en sorte que l'ego n'a plus de place en lui, pour sa propre dimension, pour sa propre lumière, pour son propre savoir universel. Donc, c'est absolument normal que l'homme sur la terre vive ou ait besoin de cette passion puissante pour lui faire faire des choix puissants qui vont lui faire vivre des expériences de tonnerre, qui vont l'amener au bout de sa vie à réaliser que il y a eu des hauts puis des bas, puis des hauts puis des bas, puis des hauts puis des bas. Autrement dit que la vie, c'est simplement un parcours de souffrance. Mm-hmm. C'est même l'Église dans ses sermons, ou même les religions dans leurs sermons, ont toujours parlé de la terre comme une vallée de lave. Mm. Oui, c'est un fait. Tout historique. Bon, alors, la terre, c'est une vallée de l'âme. Pourquoi? Parce que l'homme vit de l'expérience de l'âme. Et alors qu'on dit que la terre est une vallée de l'âme, on continue à dire aux gens, baignez-vous dedans. Oui. Le désir, qui est un peu le fondement de la passion, est-ce qu'il est fondé sur le doute? Non. Le désir, c'est une aberration psychologique de l'ego qui l'empêche de vivre de l'impression créative de la lumière de l'esprit sur et à travers le plan astral de l'âme qui le frappe dans le mental. Le désir, c'est l'imperfection mentale de l'ego qui a besoin de l'incertitude pour avoir la préférence du choix. Ça, c'est très bien. Le désir, c'est... Moi, vous en avez quelques-unes pour avoir une idée, là. Le désir... On peut choisir. Le désir, c'est le besoin qu'a l'ego de savoir ou de sentir une certaine certitude d'autogestion afin de ne pas perdre son esprit. Afin de ne pas perdre son esprit? Oui. Vous en donnez l'autre. Le désir, c'est l'aptitude qu'a l'ego de se déjouer dans son intelligence pour ne pas goûter de la vraie. Vous en donnez un autre. Vous avez l'air d'aimer ça. Je pourrais écrire un livre, c'est parce qu'ils descendent, là. Le désir, c'est le besoin qu'a l'ego d'affirmer son identité à travers des illusions de possession de son choix. Possession, soit. Ouais, je ne comprends pas ce que je dis, là, mais vous comprenez? OK. J'en donne d'autres. Le désir, c'est le besoin de l'ego de vérifier constamment dans son être la capacité de faire l'autogestion de ses besoins afin d'avoir la certitude d'être maître de sa vie. J'en donne un autre. Le désir, c'est l'approbation de l'âme à travers l'ego pour que l'ego sente en lui-même la valeur de son être, expérientiellement éprouvé dans la matière, à travers l'événement dont il a besoin pour réfléchir. Mais bonne celle-là. Et non. J'en fais deux, trois encore. Parce qu'ils vont mener ça toute la nuit. Le désir, c'est la possession de l'âme sur l'ego avec l'impression qu'elle crée de ne pas lui nuire dans son libre arbitre. Comprends-tu ça? Mais pas ça. Le désir, c'est l'aberration ultime de l'ego par rapport à son esprit, c'est l'invitation sublime de l'ego par rapport à l'âme, c'est l'animalisation de son esprit au profit de l'expérience. Elle est pas mal bonne, celle-là. Hello? Bernard, je peux-tu en poser une? Oui. Les entités, comment peuvent-elles influencer le désir? Les entités se servent du désir pour créer dans l'ego une voie, c'est-à-dire un accès d'énergie, un tunnel, un canal, afin de le manipuler dans l'expérience. Est-ce qu'il se greffe à l'ego par le désir? Automatiquement. Non, mais est-ce que c'est le moyen pour se greffer? C'est comme ça qu'il se greffe. C'est comme ça. Ouais. Le désir pour une entité, c'est le canal. C'est comme un canal. C'est comme un canal, là. Puis à travers ça, il manipule l'ego. OK. Une personne qui... Le désir, c'est la plus grande écœurantrie jouée dans la conscience de l'homme par l'astral. Puis pourtant, l'homme se sert du désir pour s'astraliser, puis éventuellement mourir pour retourner dans l'astral, puis recommencer encore. OK. Les gens qui perdent le désir ont l'impression de ne plus vivre. OK. Les gens qui perdent le désir tombent en dépression parce qu'ils n'ont pas la compensation de leur conscience mentale. Si l'homme avait la compensation de sa conscience mentale, il perdrait le désir, mais il y aurait quoi? Qu'est-ce qui remplace le désir? C'est la conscience des besoins. Ouais. C'est pas pareil là, dans mon vocabulaire, la conscience des besoins et le désir. Le désir, ça fait partie d'un besoin que se crée l'homme pour astraliser sa conscience. Alors que le besoin, ça fait partie de du mental de l'homme pour éliminer ses désirs et l'amener à ne pas utiliser son énergie pour rien. Est-ce que c'est une illusion de penser qu'on doit se créer des besoins pour... Tu peux pas te créer des besoins. Tu peux pas te créer des besoins. Tu peux pas te créer des besoins sur le plan des désirs. Des besoins, c'est un besoin dans mon vocabulaire. Oui. Un besoin, c'est toujours intelligent. Okay. Si j'avais besoin d'aller chez McDonald's à côté pour m'avoir une patate frite pour balancer ma vibration, ça serait bon pour ma santé. La patate McDonald's serait parfaite pour moi. Okay. Autrement dit, il y a une relation entre le besoin et l'équilibre psychique des centres. Puis un homme là, qui serait capable de vivre toute sa vie puis suivre son énergie, là, puis aller toujours vers ses besoins qui font partie de son intelligence créatrice, cet homme-là ne sera jamais malade. La maladie vient du fait que nos désirs sont amplifiés ou nos désirs sont sabotés. Quand ils sont sabotés, à ce moment-là, on perd le goût de vivre. Quand ils sont amplifiés, on vit trop. On vit trop, hein. Tu peux pas trop vivre, faut que tu vives juste assez. Tu peux pas underlive, faut que tu vives juste assez. Donnez-moi donc un exemple de trop vivre. Trop vivre? Trop vivre. C'est trop de sensations fortes? Trop vivre, c'est avoir besoin de mesurer la valeur de ta vie par rapport à des expériences ou des événements extérieurs qui, si tu les vis, te donnent l'impression de vivre. Ça, c'est trop vivre. Puis pas vivre. Pas vivre, c'est avoir... Pas vivre, c'est avoir la crainte d'exprimer ton énergie à travers des événements. Donc, c'est être retenu par les forces astrales de l'âme. Bon, ces deux éléments-là qui sont annexés d'un côté comme de l'autre, en quoi servent-elles l'astral? Elles servent l'astral dans ce sens qu'elles ramènent toujours l'homme au monde de la mort. N'oubliez pas une chose, qu'aujourd'hui, dans notre temps, à partir du moment où l'homme passe de l'involution à l'évolution, mais puisqu'on est encore dans le cadre historique de l'involution, aujourd'hui, sur la Terre, la mort, ça fait partie absolue de la conscience psychologique de l'ego. Autrement dit, mourir, c'est normal. On va admettre que certains hommes ne meurent pas ou se dématérialisent, les grands initiés, le Christ, ainsi de suite, là. Mais pour l'homme, la mort, c'est un fait accompli. Mais ce fait accompli-là de la mort fait partie des lois de l'astral. Lorsque l'homme aura vaincu l'astral, à ce moment-là, la mort n'existera plus pour lui. Ça ne veut pas dire qu'il va rester dans un corps physique forever, parce que c'est plate de rester là-dedans forever. Mais, éventuellement, il va sortir de son corps physique, mais il ne retournera pas à l'astral. Il va aller à l'éther. Là, vous allez dire, c'est quoi la différence entre la mort astrale et la mort éthérique? C'est que la mort, quand l'homme meurt, il retourne au monde de l'astral, il retourne au monde des esprits. Retourner au monde des esprits, c'est retourner au monde du manque d'expérience de l'intelligence. Dans le monde des esprits, l'expérience de l'intelligence n'existe pas. Il y a simplement l'expérience de l'âme. La pire chose qu'un être humain peut faire sur la Terre, qui est une planète à conscience expérimentale, surtout quand cet être-là est médium, la pire chose, c'est de se soumettre à la connaissance des esprits. Que les esprits donnent à l'homme de l'information, parce qu'ils sont dans un autre temps, concernant l'homme sur la terre, d'accord. Mais que les esprits enseignent l'homme comment vivre, c'est mortel. Parce que les esprits ne savent pas, ne connaissent pas les lois de la vie. Parce que les esprits sont des âmes, ce sont des âmes qui n'ont plus de corps matériel, donc ils sont aussi sans dessein que nous autres on était quand on était ici. Mais quand l'homme communique avec le monde des esprits, il a l'impression de venir en contact avec des êtres qui ont de la sagesse. Et ça, c'est une autre des illusions de l'homme. La sagesse, c'est la désinformation spirituelle de l'humanité qui sert à garder l'homme dans le fondement astral de son inconscience. Donc, sur une planète expérimentale telle que la Terre, la pire chose que l'homme a de besoin, c'est de la sagesse, parce que de la sagesse, c'est tellement grand, c'est tellement beau, que l'homme n'est pas équipé pour voir à travers. Si tu rencontres quelqu'un qui est meurtrier, quelqu'un qui a beaucoup d'énergie astrale négative, c'est facile de le voir et de dire, bon, mais ce gars-là, là, il n'est pas pour moi. Mais quand tu rencontres quelqu'un là, qui est réellement fin, puis qui est réellement bon, puis qui est réellement généreux, puis qui t'aime, puis qui est un petit saint en marche, en devenir, là, tu peux pas voir à travers ça. Tu es fait à l'os. Comment qu'on peut Alors, il faut que l'homme communique avec le plan mental. Fait que tu communiques avec le plan mental, puis tu rencontres un petit saint qui peut te faire à l'os. À ce moment-là, le plan mental va t'expliquer pourquoi c'est un petit saint. Pourquoi est-ce qu'il est devenu par incarnation sur la Terre et qu'il est devenu un petit saint? Il y a toutes sortes de raisons. Ça peut servir les religions, ça peut servir l'Église, ça peut servir des gens autour de lui, ça peut servir, si miraculeux, ça peut servir à la foi d'autres personnes, ça peut servir la politique astrale, ça peut servir la politique de la civilisation de l'astrale. Il y a toutes sortes de raisons pour ça. Donc, l'homme ne peut pas se fier quand il est en communication, puis là je parle de l'homme médiumnique. Ouais, ouais. L'homme ne peut pas se fier quand il est en communication avec les mondes des esprits, puis ça c'est tellement réel que le jour où l'homme va reconnaître ça par lui-même, en lui-même, il va commencer à sortir de l'astral. C'est là que l'homme va rentrer dans son savoir. Et c'est là qu'à ce moment-là, l'homme n'aura plus besoin de vivre sur le plan des désirs. Parce que les désirs font partie... Le monde des désirs, c'est l'arnaque astrale. C'est à travers les désirs que l'astral se manifeste et que l'âme vit l'expérience et que l'ego se fait manipuler. OK. Bon, est-ce qu'une personne qui dirait « je vais éliminer les désirs de ma vie » en viendrait à... Je sais que c'était peut-être un peu illusoire, mais... Tu peux pas éliminer... Non, parce qu'il créerait d'autres attitudes. Tu t'élimines pas tes désirs. Tes désirs ou les désirs au fur et à mesure où l'homme va prendre conscience mentale ou au fur et à mesure la conscience des cellules va se faire, les désirs vont disparaître. Ils vont être remplacés par des besoins. Donc, il faut les vivre. Oui, tu peux pas vivre à côté de ton âme, tu es imprégné d'elle. Okay. Il n'y a pas de danger à vivre ses désirs. Il n'y a pas de danger, il y a de l'expérience à vivre des désirs. Il n'y a pas de danger à vivre des désirs, il y a de l'expérience. Donc, je vous donne un exemple. Ta petite fille est en amour avec son boss au bureau. Mm-hmm. Bon. Son boss au bureau, il y a une femme, puis un autre chum. Donc, à un moment, tu dirais à ta petite fille, bien, écoute, ton boss au bureau, il est marié. Elle va rien voir. Elle est en amour. Mm-hmm. Puis une petite fille en amour avec un boss au bureau, qui a une femme, puis qui a une autre maîtresse, c'est réellement en amour. Mm-hmm. Parce que c'est l'expérience de l'âme. OK. Bon. Parce que, comme même, tu donneras toutes sortes de bonnes raisons, puis tu dirais, bon, éventuellement, il va te laisser, il va retourner à sa femme, ou s'il laisse sa femme, il va prendre l'autre maîtresse, puis il va. Elle veut rien savoir. Pourquoi? Parce qu'elle vit le moment. Mm-hmm. Elle vit le moment. Dans le désir, tu vis le moment. Par contre, c'est un moment astral. OK. Fait que c'est tellement intense le moment qu'elle vit écouter jusqu'au bout. Puis comment est-ce qu'elle va être amenée à lâcher son boss au bureau? C'est qu'un jour, elle va le rencontrer sa rue, puis il va se passer quelque chose, peut-être qu'il va en trouver une autre maîtresse. Il va avoir sa femme, une autre maîtresse, là ça va être too much pour elle. Une femme, deux maîtresses plus elle, là elle pourra plus le prendre parce qu'elle n'aurait plus de chance. Là, elle va faire une grosse crise, le plexus solaire va être pété, tout va être pété, elle va tomber en dépression, puis elle va couper l'affaire. OK, je joue. Autrement dit, elle va commencer à être intelligente. OK. Hein? Bon, son désir, est-ce qu'on peut dire, au moment où elle vit, depuis qu'elle n'entend rien, est-ce qu'on peut dire que c'est un besoin? Non, c'est un désir. Un besoin, c'est toujours intelligent. Je ne parle pas du besoin dans la rousse, là. Là, je vous parle du besoin comme moi je le définis, puis le désir comme moi je le définis, là. Je vous dis que le désir, vous venez donner des définitions de l'heure, là, un petit peu. Bon. Un besoin, quand tu es conscient, c'est toujours intelligent. Un besoin, c'est toujours intelligent. Donc, Donc, ça veut dire que les hommes sur la terre vivent très peu de besoins, mais beaucoup de désirs. On peut être passionné et intelligent en même temps. C'est-à-dire être capable d'expliquer notre passion. Tu peux être passionné et pouvoir expliquer ta passion, mais si tu es trop passionné, tu enlèves à ton intelligence du pouvoir dans ton expérience. Ah, OK. Tu peux pas... Là, je me prends comme exemple. Moi, je vis un contact mental direct tout le temps, 24 heures par jour. Bon. S'il faudrait que je sois passionné, je me brûlerais. Je suis neutre, puis je suis plate, puis je brûle. Fait qu'imagine-toi, si j'étais passionné en plus de ça, je brûlerais tout. Fait que tu peux pas, t'as pas besoin de ça. Mais vous êtes drôlement intense. J'étais intense, mais s'il faudrait que je sois passionné, ça serait terrible. Oui, ça serait terrible. Je me rendrais malade. Ouais, ça pousserait au fanatisme. Ça pousserait au fanatisme. Ouais. Fait que c'est impossible d'avoir une passion puis d'être intelligent. L'esprit n'est pas passionné. Ouais. Il n'y a rien de plus plate que l'esprit. Mais comment ça fait que c'est aussi intense, l'esprit? Parce que c'est vibratoirement dans la lumière. C'est toujours dans la lumière, puis aligné, puis aligné. Tu n'as pas d'incertitude quand tu es dans l'esprit. C'est ça qui fait l'intensité? C'est ça qui crée l'intensité. Quand tu me poses des bonnes questions, là, je vibre, là, je m'énerve, là, tu peux plus m'arrêter. Bon, ben, je parle. Tu me parles, on parlait tout à l'heure de quoi, là? On parlait de... L'âme sœur. Du désir, là. Ah oui, je pourrais en parler, je pourrais vous en donner pendant 3 jours des définitions sur le désir. Il va en passer, puis la vibration va monter, puis elle va monter. C'est le même que ça marche. Fait que tu sois en affaires, que tu sois en ménage, que tu fasses n'importe quoi, c'est, t'es toujours dans cette énergie-là. Fait qu'avec le temps, tu viens habitué à ça. Tu viens normal. Tu te calmes avec le temps, là. Quand je suis normal, tu sais. Mais là, c'est parce que je suis avec vous autres, là, puis c'est intéressant, puis je parle. Fait que, mais il faut que tu vives de la passion là-dedans, puis t'astralises ça, t'es fait à l'os. Est-ce qu'un besoin peut s'astraliser? Un besoin, ça s'astralise quand tu n'es pas assez encore intelligent dans la loi de tes besoins. Ça s'astralise. Ça veut dire que la loi de tes besoins. Ma fille, elle connaît ses besoins et elle peut astraliser ses besoins. Avec le temps, elle va devenir encore plus mûre puis un jour, elle astralisera plus ses besoins. Donne-nous un exemple de. Astraliser ses besoins, c'est pas avoir la parfaite certitude que ton besoin est exactement ajusté à ta vibration. Ça va dans tout. Ça va dans ton linge quand tu t'achètes du linge, le prix que tu payes pour tes bottines. Ça va tout. La somme de char que tu t'achètes, OK, tu veux rentrer dedans. C'est une démesure? Le besoin, plus tu es conscient, plus les besoins deviennent subtils. Puis plus ils deviennent définissables, mais plus ils deviennent sans fin. Ça n'a plus de fin, les besoins. Mm-hmm. Par contre, ils ont un timing. Puis plus tu deviens conscient, mais ton mental est tellement clair que quand le temps vient pour ton besoin, tu te prends, tu t'en vas. Après ça, il faut que tu aies un autre, parce que l'énergie, elle continue. Mm-hmm. Fait que, pourquoi est-ce que l'homme sur la terre est pauvre? Parce que l'homme sur la terre ne connaît pas ses besoins. Si l'homme sur la terre connaissait ses besoins, la pauvreté n'existe pas. L'homme connaît simplement ses désirs. Et tu ne peux pas t'enrichir avec tes désirs. Tu peux t'enrichir peut-être dans une certaine direction, mais tu vas t'appauvrir dans un autre. Si tu t'enrichis au niveau de l'argent, puis tu fais des affaires, puis tu fais bien les affaires, puis la business, ça commence à te vampiriser, tu vas devenir malade, tu vas faire du burn-out, tu vas perdre ta famille. Fait que tu ne peux pas t'enrichir globalement avec des désirs. Avec des besoins, tu ne peux pas faire autrement que t'enrichir, parce que tu es obligé de constamment ajuster ta vibration à un taux vibratoire supérieur. Mais quand je parle d'enrichir, là, je ne parle pas nécessairement monétairement. Non, je parle globalement. Bien ta santé, bien-être, toute ta vie. Fait que c'est pour ça que le désir, c'est astral. Le besoin, c'est mental. L'homme conscient connaîtra ses besoins. D'ailleurs, l'homme conscient connaîtra tellement ses besoins qu'il n'aura pas. Il n'aura pas d'autre avenue qu'à travers ses besoins pour découvrir la beauté de sa vie. Pas la beauté de la vie, de sa vie. Parce que la vie, c'est pas beau. Sa vie, ta vie, okay. Elle peut être belle. La vie, c'est pas beau parce que sur notre planète, la vie est totalement égrégorisée. Okay. Tu t'en vas en Russie, c'est le bordel. Tu t'en vas aux États-Unis, c'est les drogues, la violence. Tu t'en vas en France, c'est l'orgueil intellectuel. Il veut des désirs. Tu ne peux pas vivre une belle vie. Tu peux vivre une vie intelligente, une vie passionnée, mais tu vas toujours vivre l'expérience. Okay. Puis ça, ben, avec les années, mais tu vieillis, puis éventuellement, mais t'en arrives à la même place que tout le monde, puis t'en arrives jamais à être conscient, autrement dit, t'es toujours dans l'évolution. C'est pour ça que le, maintenant que la conscience supramentale commence à s'installer sur le plan matériel, et que la science de cette conscience-là, des cellules, va grandir, puis va s'épanouir, puis va se répandre dans le monde, les hommes vont être touchés par cette science-là, et les hommes vont finalement faire contact avec eux-mêmes. Pour lentement, petit à petit, passer de la pensée à la communication. Tu sais, tu prends la radio, tu l'amènes en Afrique, tu dis à un Africain, garde ta radio. Tu parles. Puis ça vient de New York sur CNN. Il courra pas. Pour lui, c'est la radio qui parle. Il va faire des courbettes devant la radio. C'est un Africain, il n'est jamais sorti. C'est normal. Mais si tu prends la même radio, tu l'amènes à New York, tu dis, garde ta bonne radio, ça parle. Puis ça, tu dis au gars, les ondes, ils viennent de CKBL ou CNN, puis le gars il croit pas, puis il pense que c'est le radio qui parle. Là, il faut que tu le rendes à la grande bâtisse. Ben, nous autres, on est pareil. Ouais. Nous autres, on pense que toute notre radio, c'est puis ça parle ici, puis on réalise pas qu'on l'homme est un être multidimensionnel, il est fait de différents plans subtils, le dernier c'est le plan matériel, il y a le plan intérieur, il y a le plan astral, il y a le plan mental, puis il y a des milliards, puis des milliards, puis des milliards d'intelligences à différents niveaux. Il y en a qui sont en dehors du temps, il y en a qui sont dans les temps, qui travaillent à l'organisation, à l'évolution de l'homme, parce que l'homme est un organisme intelligent, très perfectionné sur la Terre, pour en venir éventuellement connecter avec lui, pour que le gars sache que le son du radio vient d'ailleurs, puis on vient paniquer. Sais-tu pourquoi? Parce qu'on a été dit depuis des millénaires qu'on a le libre arbitre. On a été dit, puis ceux qui ont su, là, ou les connaissances qui ont sorti de ce périphérie-là, c'était des connaissances qui ont été cachées pendant des siècles. L'ésotérisme chrétien d'Église y était caché. L'ésotérisme bouddhiste y était caché dans le petit véhicule. Donc les hommes qui ont su des choses ont été obligés de cacher ça parce que dans ce temps-là, tu te faisais zigouiller. Aujourd'hui, ça commence à sortir. Mais il faut faire attention que ça ne sorte pas tout croche. Donc on est rendu à un point pour se protéger du fait que ça commence à sortir, parce qu'il y en a des affaires qui sortent. Là. Il y en a des affaires qui sortent. Ça vient de la Californie, surtout, là, ça vient de partout. Là, il est temps que l'homme commence à se centrer sur lui, puis checker par lui-même ce qui se passe autour, pour voir. Puis, si ça marche avec lui, ça marche. Puis, si ça marche pas, il met de côté. Tu vas pas demander à l'opinion des gens si ça marche. Les gens, ils vont toujours te dire que ça marche. L'homme est arrivé à un point qu'il peut se permettre de croire n'importe qui. Fait que quand tu prends du monde comme moi, des gens comme moi, qui ont la parole extrêmement facile, l'homme ne peut même pas se permettre de me croire. Parce que l'homme ne me connaît pas. L'homme ne me connaît pas. Je pourrais être un agent de l'astral, mais l'homme ne saura jamais. L'homme ne connaît pas. Fait que l'homme doit aller par lui-même, checker par lui-même ceux avec qui il vient en contact, surtout quand tu commences à tomber dans les domaines occultes du mental. Quand tu parles d'affaires, c'est pas grave. Tu perds ta business, enfin là. Mais quand tu traites au niveau de ton mental, c'est ton esprit. Tu peux pas mettre ça dans la balance de quelqu'un. Tu peux pas mettre ça et assujettir ça au jugement de personne. Ton esprit. Tu rencontres des gens dans le monde, dans différents pays, tu rencontres. Par vibration, tu sais s'ils sont corrects. Par vibration, tu sais s'ils sont pas corrects. Si ils sont pas corrects, tu t'en vas vite. Si ils sont corrects, tu restes. Puis tu checkes. Parce que tu es encore influençable. Puis peut-être que le gars, il est bien correct, mais tu es encore influençable, puis il peut te magnétiser encore. Puis peut-être qu'il est correct aujourd'hui, puis il ne sera pas correct demain. Puis toi, tu penses qu'il est correct aujourd'hui, puis il va être correct demain. Fait qu'il faut que tu aies toujours ton œil ouvert. L'homme ne peut plus se permettre aujourd'hui de croire. Puis au 21e siècle, ça va être pire, 22e siècle, ça va être pire. Quand l'homme va venir en contact avec d'autres civilisations, ça va être le test ultime. L'homme ne peut pas se permettre de croire. Parce que c'est l'effondrement de son individualité. C'est l'élimination de sa lumière. C'est l'astralisation potentielle de son inconscient, de son intellect, de ses émotions. Fait que, quand l'homme sort de ça, mais il rentre dans sa conscience mentale, puis les choses, il commence à connaître ses besoins, puis il commence à voir la différence entre ses besoins et ses désirs, puis c'est clair, puis net. OK. Bon, maintenant, on parle de connaître ses besoins, de prendre conscience de ses besoins. Est-ce que les intelligences qui, finalement, s'occupent de l'homme, lui font connaître ses besoins ou lui donnent strictement ce qu'il a besoin. Il y a une intelligence qui s'occupe de chaque homme. Chaque homme a un double. Chaque homme a un ajusteur de pensée. Chaque homme a un esprit. Chaque homme a une source. Chaque homme a un principe cosmique. Chaque homme a un moi cosmique. Chaque homme a un principe universel. Chaque homme est total, global, intégral. Il lui reste simplement à découvrir sa globalité et son intégralité. Souvent, moi, je vais dire, bon, il, parce que je parle en... Il y en a plusieurs. Mais chaque être humain a un être qui s'occupe de lui, qui s'occupe de l'évolution de l'âme depuis le début de l'évolution de son propre âme. Puis c'est cet être-là qui, un jour, doit fusionner avec lui. Que tu veuilles pas, que ça prenne 500 ans, 1000 ans, que ce soit sur la Terre, que ce soit sur une autre planète, ça n'a pas d'importance. L'être cosmique, le principe cosmique, le grand moi, appelez ça comme vous voulez, parce que les mots, ça ne me dit rien, cet être-là, la source de la communication sur les circuits universels, telluriques, éthériques de l'homme, font partie de lui. L'homme n'est pas simplement un corps matériel, il y a un corps éthérique, il y a un corps astral, il y a un corps mental. Ces corps-là venant ensemble un jour, l'homme passera complètement à une autre dimension. Fait que, en passant de l'évolution à l'évolution, il va découvrir ça. Il va découvrir ses besoins. Il va réaliser qu'il ne peut pas croire. Parce que la croyance a été utilisée par l'astral pendant des millénaires pour assujettir l'ego, pour assujettir la conscience de la planète, pour former des civilisations, pour former des cultes, pour former des cultures, pour former des conditions pour l'expérience de l'âme. L'homme conscient, l'homme multidimensionnel, l'homme supramental, l'homme intégral, l'homme fusionné, il ne pourra même pas croire. Tu ne peux pas croire. C'est pas que tu ne veux pas, tu ne peux pas. Nous autres, quand on est inconscient, on peut croire parce que ça fait partie de la mécanique psychologique du moi planétaire. Mais quand tu as un moi conscientisé, tu ne peux plus croire. Ça fait plus partie de ta conscience mentale. Bon, est-ce que ça veut dire qu'on ne peut pas croire parce qu'on fait référence au double? Tu ne peux pas croire, point final. Puis c'est juste un état. Ils te permettent même pas de croire à raison. Croire, c'est anti-homme. Croire, c'est anti-lien. Croire, c'est esclavage. Croire, c'est assujettissement. Croire, c'est du vampirisme. L'homme est inconscient aujourd'hui, l'homme est ignorant aujourd'hui parce qu'il a cru. L'homme ne peut pas croire. Là, vous allez dire, ben, on peut-tu croire au Christ? L'homme n'a pas dit que c'est que ça veut dire le Christ. Le Christ est un initié, c'est un être de lumière qui est venu sur la terre, qui a placé une vibration, qui était la vibration de l'amour pour permettre que se fonde tout le mouvement générationnel des civilisations européennes puis l'expansion autour de la planète, parce que l'homme était avant, quand il était sous la loi du talion, l'homme était extrêmement violent. Donc, le principe de l'amour a été amené par l'initié, le Christ, pas simplement pour que se créent des civilisations judéo-chrétiennes, mais pour que s'ouvre le canal entre l'homme et le double, sa source, lorsque le temps de l'évolution de la race racine soit venu. Ça fait que si on dit, si les gens demandent, on peut-tu croire au Christ, c'est pas le Christ qui est le problème, c'est autour de lui. C'est jamais l'initié qui est le problème, c'est ce qui se crée autour de lui au cours de l'évolution, pendant des siècles et des siècles et des siècles, où des doctrines profondément occultes, profondément ésotériques, qui ont été expliquées à un petit bunch de gars là, Pierre, Jacques, Jean, puis sa gang, là, qui eux autres ont compris ce qu'ils voulaient dire, eux autres sont partis, puis ensuite ça a été pris, puis ça a été nécessaire que ce soit pris pour créer les religions que ça a faites, ou la religion que ça a faite, mais pour l'expérience de l'état de l'évolution de la race humaine. Donc quand tu parles, donc, sur le Christ, c'est pas le Christ qui est en faillite, c'est pas le Christ qui est le problème, c'est les hommes qui ont interprété ses sciences, sa science, les hommes qui ont détruit, qui ont éliminé pour des raisons de pouvoir temporel sur la terre, tout l'ésotérisme chrétien qui faisait partie de la conscience christique initiatique de cet homme-là. Tu peux pas t'imaginer qu'un initié qui vient sur une planète pour donner une nouvelle vibration, une nouvelle élan à une civilisation va parler simplement en des termes qui conviennent à la population. Il va dire des choses qui font partie des fondements, des fondations cosmiques de sa science. Ah, ces sciences-là ont été perdues. On les retrouve un petit peu à gauche, à droite, dans l'ésotérisme mondial. Il y a Rudolf Steiner qui écrit l'ésotérisme chrétien qui essaie de ramener ça un peu ensemble. Mais au niveau de la masse mondiale, l'ésotérisme chrétien, ça n'existe plus. Par contre, il y a un mouvement dans le monde aujourd'hui, il y a une grande recrudescence de la médiumnité. Faut faire attention. Il y a une grande recrudescence du psychisme, de la médiumnité en Europe, aux États-Unis, au Canada, au Québec, et ainsi de suite, qui va faire en sorte qu'il va venir un temps où il va se créer dans le monde, pendant un certain temps, ce que j'appelle moi, des religions psychiques. L'homme va sortir de la religion, là, la religion traditionnelle, là, excepté pour des grandes masses qui sont encore à ce niveau-là. Il y a des hommes qui vont sortir de ce niveau-là pour entrer dans ce que j'appelle des religions psychiques, autrement dit des conclaves ou des cultes psychiques, là, où tu vas avoir des médiums ou des channelings comme il y a aux États-Unis. Là. Mm. Ça fait partie de la sortie. Là. C'est une sortie. C'est bon que ça se fasse, mais c'est pas fini, parce que l'homme doit en arriver un jour à sortir même de ces affaires-là, pour devenir lui-même son propre médium, son propre être, avoir sa propre connexion. Mais ça se passe, là, puis ça va se passer, puis on va le voir dans des films, puis on va le voir dans des séances, on va le voir dans des rencontres, on va le voir dans des collectivités. L'homme doit savoir qu'il se créera des religions psychiques, ou des cultes psychiques, ou des sciences psychiques, mais c'est le début du iceberg. C'est le début du iceberg. Faut que l'homme retourne à lui-même. Fait que l'homme ne croit plus les religions, certains hommes ne croient plus les religions, ça fait partie de la révolution. Que les hommes croient ce qui se passe dans les cultes psychiques à travers le monde, ça fait aussi partie de leur expérience. Puis un jour, ils vont être obligés de se checker parce que les cultes psychiques, ou les collectivités psychiques, ou les êtres qui traitent avec une médiumnité astrale sont régis par les forces astrales, sont régis donc par les forces du monde de la mort. Donc, sont régis par des forces qui, ultimement, ne peuvent pas donner à l'homme la clé de son évolution, parce que la clé de son évolution ne peut venir que de lui, elle ne peut venir que de la Terre. La science de l'homme ne viendra jamais du monde de la mort, elle viendra de la Terre, elle sortira de la Terre, l'homme vivra des grandes souffrances pour y donner naissance, et l'homme sera le seul à posséder cette clé-là, et cette clé-là sera la même clé que celle qui lui aurait été transférée à partir du plan mental. Ça sera sa clé. Ça sera la première fois que l'homme aura sa clé, sa science, que l'homme sera pu influencer, inspirer, médiumiser, channeler par l'astral pour avoir des notions qui dépassent le seuil psychologique des religions. Donc l'homme, finalement, une fois pour toutes, sera safe sur la Terre. Il n'aurait plus besoin de croire, il sera. Point final. Bonjour. Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, à notre époque, il est possible pour beaucoup de gens, ou une bonne proportion de gens, d'accéder à cette source-là immédiatement, ou s'il faut attendre l'an 2200 ou ces choses-là? C'est un processus évolutif. Vous parlez d'évolution de la race sur la scène, vous parlez d'évolution de la conscience supramentale sur la Terre, vous parlez de 2500 ans, c'est un processus d'évolution. Nous, les hommes, aujourd'hui, on est les rejetons de la cinquième race racine qui a commencé avec les riches aux Indes. Il y a eu les Atlantes qui ont vécu pendant très longtemps. C'était la quatrième race racine. Donc, quatrième race racine, cinquième race racine, là commence dans le monde la sixième race racine. Évidemment, il y a des hommes dans cette vie-ci qui vont prendre conscience. Donc, ces hommes-là font partie de ce processus évolutif-là. Mais il faut faire attention aux catégories, parce qu'on a toujours tendance à penser en termes de catégories, penser en termes de valeurs, penser en termes de mission, penser en termes d'évolution, penser en termes de statut. Je suis assez évolué là, je suis fusionné là. Parce que tu dis, es-tu bon ton steak? Il est bon. Tu aimes-tu des patates frites? Oui, t'es fusionné, c'est assez, t'as pas besoin de plus que ça. On veut toujours, on c'est encore le désir spirituel. Ah oui. T'es bien dans ta peau, t'es bien dans ta peau. Mm. Puis avec le temps, ben pourquoi est-ce que t'es bien dans ta peau? Ben parce que tu commences à prendre conscience de tes besoins. Fait qu'avec le temps, tu deviens plus conscient, tu rentres dans ta conscience mentale, puis un jour, quelqu'un te demande, tu fais-tu partie de la race racine? Tu vas dire que c'est quoi ça, cette affaire-là? C'est ça. Autrement dit, là, on est rendu à un point où il faut qu'on arrête d'être niaiseux, puis qu'on s'occupe de notre steak. Puis notre steak, c'est d'être bien dans notre peau. Mais notre peau. Pas la peau du gourou, puis la peau du maître, puis la peau de Bernard de Montréal. Bernard de Montréal, il vaut pas de la merde. Bernard de Montréal, c'est un instructeur, il y arrive, il fait quelque chose, il donne des notions, il y a des gens qui sont capables de partir avec ça, qui sont capables de parfait. À part de ça, ce qui compte, c'est que l'homme s'occupe de lui. Une fois que l'homme s'occupe de lui, tu commences, c'est-tu quand est-ce que tu commences à t'occuper de toi? Quand tu commences à arrêter de croire les autres. Quand tu commences à arrêter de croire tout le monde autour de toi, tu commences à t'occuper de toi. Ça va loin l'affaire de croire. Oui, mais c'est parce que vous avez déjà dit aussi qu'il ne faut même pas croire à notre source. Non, parce que croire à ta source, ça veut dire dépendre psychiquement du pouvoir d'information télépathique qu'ils donnent. Ils vont vous jouer un cul, ils vont vous désinformer pour vous apprendre à ne pas croire. Quand vous aurez besoin de savoir de l'information dans la vie pour telle raison, parce que ça sera important, vous serez point final. Sans ça, vous allez vivre de l'ego. Vous n'aurez pas de transparence. Et là, une des grandes qualités du contact de la conscience supramentale, une des grandes qualités de la conscience des cellules, c'est que l'ego est transparent. Donc, un homme qui a un ego transparent, qui est en contact télépathique avec sa source, tant que l'ego est transparent, qu'il reçoit de l'information pour son travail, à quelque niveau que ce soit, ça ne transpire plus l'impression, le désir du pouvoir. Parce que quand il y a de la croyance, il y a un underground de pouvoir. Quand il y a de la croyance, il y a un underground de pouvoir. Voulez-vous expliquer ça? L'underground de pouvoir, ça fait partie de la mesmérisation de l'ego, de la fascination de l'ego avec des aspects plus occultes de la vie suprasensible. Il y a un ego qui est inconscient, il veut être en contact avec ça, il veut savoir comment ça marche, cette affaire-là. Il fait-tu de la télépathie, il fait-tu de la lévitation, il est capable de savoir quel cheval qui va rentrer à Blue Bonnet. C'est tout un underground de pouvoir. Ça fait partie des lois de la magie noire. Même si vous dites que vous n'êtes pas dans la magie noire, peut-être que vous n'êtes pas dans la magie noire, puis il y a de la magie noire à l'arrière de vous. Oui. Bon, partant de ce point-là, l'individu qui veut aller chercher un contact avec sa source, est-ce que sa relation, elle est réelle ou si c'est une relation qui va lui apparaître à un moment donné dans sa vie là, par le biais des événements? Tu ne vas pas chercher contact avec ta source. C'est ta source qui vient te chercher. C'est ta source qui vient te chercher. Tu peux aller chercher un contact avec l'astral, ça c'est facile. Ouais. Mais ta source, elle connaît quand c'est le temps. Fait que si c'est le temps dans ta vie qu'elle connaît, qu'elle va connecter, il n'y a rien à faire. Puis si c'est pas le temps, elle connectera une autre vie. Puis, il n'y a rien à faire. OK. si c'est ta source qui... Non, mais j'ai une question. Si c'est ta source qui vient te chercher, est-ce que c'est ta source qui définit quand tu vas être capable de voir tes besoins? C'est ta source qui définit quand est-ce que tu vas être capable de l'apprendre. L'apprendre, la source. Ouais. C'est-à-dire l'absorber. L'absorber, le choc. L'énergie, ça. Okay. C'est comme l'électricité qui passe d'un fil. L'électricité, c'est de l'intelligence. Elle n'est pas intéressée à faire fondre le fil. Ouais. Elle va attendre que le fil se renforcisse un petit peu. Bon, mais la source, c'est de même. Ouais. Tandis que l'astral, ça ne le dérange pas si tu fonds ou si tu ne fonds pas. Ouais. Moi, je connais des médiums qui ont... Ben, je pense à Barbara Shipman aux États-Unis, la psychologue. Là, parce que là, son snap, là. Avant, là, quand tu connectais avec l'homme, il connectait en général avec des gens simples, là, des fermiers, des gens en campagne. Mais là, ils sont rendus qu'ils commencent à connecter avec des psychologues, des universités, là, parce que ça commence à être un petit peu plus important. Fait qu'ils ont connecté avec Barbara Shuckman, aux États-Unis, là, ils ont écrit un livre, c'est une psychologue, hein, totalement rationnelle. Puis la fille a jamais cru ce qu'ils ont écrit. Par contre, elle était écœurée parce que les entités astrales, quand ça commence à taper sur ta ligne pour que tu écris, puis ils veulent que tu écris, puis tu te forces à écrire. Puis elle est morte en 81, là, puis elle a été bien malheureuse de son contact, puis il y a d'autres personnes qui ont ramassé son œuvre. Mais quand ils l'ont contactée, il n'y avait rien à faire. Psychologue, pas psychologue, bien intellectualisé, quand ils veulent rentrer en contact, ils rentrent en contact. Ça, c'est au niveau de l'astral. Fait qu'imagine tout au niveau du double. Quand tu veux rentrer en contact, il rentre en contact. La seule différence, c'est que le double, quand il rentre en contact avec l'homme, il rentre en contact pour que l'homme en arrive éventuellement à une conscience intégrale. C'est-à-dire à un état de conscience plus unifiée avec lui. Mm-hmm. Tu rentres dans ton intelligence. Tandis que l'astral, quand il rentre en contact avec l'âme, il va lui passer des petits messages qui sont valables, parce que ce que Shuckman a reçu comme information, c'est très, très intéressant. Par contre, c'est encore de la désinformation subtile qu'un jour du monde conscient va être obligé de défaire et de dire, bon ben, c'est il y a la réincarnation puis il y a l'incarnation. Il y a une différence entre les deux. Il y a l'affaire de l'âme sœur, parce qu'on passe l'affaire de l'âme sœur de l'autre bord. Fait que l'âme sœur, mais l'âme sœur, c'est ça. Puis le principe de complémentarité, c'est ça. Donc le problème, c'est que quand on deal avec les médiums ou qu'on deal avec l'astral, on vit toujours un petit peu de désinformation, puis l'homme aujourd'hui n'est pas suffisamment encore dans son mental pour voir à travers. Moi, quand je rencontre des médiums, des clairvoyants, des gens qui l'évitent, des gens qui se passent à travers des murs, laisse-moi dire, quand ils ont fini après, avec moi après, ils ne passent plus à travers des murs. Parce que l'énergie, elle vient plus de l'astral. Puis c'est ça qu'on est rendu à ce point-là, on est rendu à un point où on a besoin sur la Terre de beaucoup d'hommes, de beaucoup de femmes conscientes qui peuvent donner des conférences, écrire, parler, créer, mais voir à travers ce qui vient des plastros. Puis des années qui s'en viennent, vous allez regarder simplement Californie, là, parce que ça part tout de là, c'est un centre tellurique, là, astral très fort. Puis ça s'en vient tout des États, ça s'en vient ici, puis ça s'en va en Europe. L'astral est très fort, là. Puis vous allez en voir de toutes les couleurs. Mais là, c'est parce que vous dites qu'on peut être connecté par l'astral, être comme possédé par l'astral, puis on peut être aussi connecté ou branché par notre double. On a tout un double. Oui, OK. On a tout un double. Il n'y a personne. Tu pourrais même pas penser si tu n'avais pas de double. Parce que tu serais un animal. Ce qui fait la différence entre l'homme et l'animal, c'est que l'homme a un double, l'animal l'a pas. L'animal, il a simplement de la mémoire, d'âme. Il n'y a pas de double, il n'y a pas de contact avec une source. Parce que l'homme, il y a un double. Fait qu'on a tout un double. Par contre, on est en train de commencer à savoir qu'est-ce que c'est de la pensée. Bon, on dit « je pense ». Descartes dit « je pense, donc je suis ». Ça veut dire quoi, ça? « Je pense, donc je suis ». « Je suis niaiseux ». ».« Je suis intelligent ». Tu sais? On est resté avec ça. « Je pense, donc je suis ». Fait qu'il nous a aidé bien gros, Descartes. Puis là, tu vas à l'université, puis le prof, il arrive encore. « Tu penses, donc tu es ». Tu sais? Fait que... Je suis fatigué. Moi, c'est juste pour le branchement. Là. Comment un double peut laisser passer une possession astrale? Il ne peut pas faire autrement. Il ne peut pas faire autrement parce qu'on est trop astralisé. Essaye donc de passer le soleil, toi, à travers des nuages quand tu es ici dans ton jardin. Ouais. Comment est-ce que le soleil, pourquoi est-ce que le soleil ne passe pas sur les rayons à travers des nuages? C'est des nuages. L'astral, c'est des nuages. T'as déjà vu ça, des coques? Peut-être t'as jamais vu ça, des coques astrales. Mais... C'est des nuages. Tu te promènes sur la rue, t'envoies des gens avec des coques astrales. Ils n'ont même pas de yeux, c'est tout noir, là. C'est ça, des coques astrales. Puis ça traîne autour de toi, puis ça flotte. Tu vas dans des maisons du monde, t'envoies des coques astrales. Il y en a un qui est accroché dans le coin à côté du poêle, puis il te regarde. Comprends-tu? Après ça, tu te demandes pourquoi est-ce que tu brûles ton steak. On vit dans des mondes parallèles. Swedenborg, il se promenait sur la rue à Stockholm, dès coup, il commence à réaliser qu'il passe à travers du monde. Au début, il n'était pas intelligent, il se tassait un petit peu à droite. Finalement, il commence à avoir clair, il regardait, dès coup, le gars, il marchait deux pieds au-dessus de terre. Donc, il a arrêté de passer à côté, puis là, il fonce à dedans. Oui. Le monde, la réalité est plus grande que la fiction. Puis la science, puis toutes les connaissances de l'évolution, à part des connaissances ésotériques de l'évolution, ont voulu nous faire croire différemment. Puis là, la science commence à tourner de bord un petit peu. Là. Ils commencent à s'apercevoir que le corps physique puis le cerveau, c'est un petit peu plus complexe qu'on pensait. Hein? Fait qu'on rentre dans médecine para, là, puis on va rentrer dans la science para. Alors, tant qu'on rentre dans la science para, bon, mais dans Science Paris, on va découvrir une multitude de choses dont vous parlez présentement. Dans Science Paris, ça va être un début, ça va plus loin que ça, plus loin que ça. Loin ouais, que les gens de science vont faire croire aux masses ce qu'ils ont leur découvert. Écoute, Daniel, on ne peut pas oser être mathématicien, statisticien. Là, 100 ans, on était à des dessins scientifiquement. Edison a commencé à travailler avec le magnéto. Ouais. Je ne sais même pas lui qui l'a découvert, et nous, ce test-là. Puis tout le monde a dit que c'était lui. Fait que disons que ça fait depuis 1850 là, qu'il commence à se passer quelque chose de réellement intéressant au niveau de la science. Puis là, on est rendu en 1980. Regarde les changements. Tu aurais dit ça à ton grand-père en 1900 qu'aujourd'hui, on irait sur la Lune. Il t'aurait rentré pas dans la grande bâtisse, mais dans sa sous-sol. Mais renfermez-le. Puis aujourd'hui, on ose penser qu'on est smart. Moi, j'ai rien contre les scientifiques. J'adore les scientifiques. J'ai des chums pleins. J'en ai plein de scientifiques chums. Puis j'en ai qui sont marginales à ceux-là, en plus de ça. Mais il faut qu'on arrête de faut qu'on arrête d'avoir peur de ne pas être comme les autres. Faut qu'on arrête d'avoir peur de ne pas être comme les autres. Parce que quand t'es conscient, t'es pas comme les autres. Puis c'est normal de pas être comme les autres, parce que les autres sont pas comme personne. Comment ça veut dire? Oui. Fait que le monde dit, ben j'ai, c'est drôle, j'ai, ça fait 20 ans que je vis des affaires, puis j'étais un médecin, j'ai jamais voulu en parler à mon collègue. C'est ton crise de problème, t'avais la chienne, tu voulais garder ton statut, c'est ton problème, vis là ta chienne. L'autre, puis on est tous pareils, on a tous vécu des expériences. Ah, oh, je pensais à toi quand tu m'as appris, c'est comique, c'est pas comique. J'ai rêvé à toi hier. Comment ça se fait, j'ai rêvé que tu divorçais et tu m'annonces ça, c'est comique. On est comique, on passe notre vie à être comique. Fait quand tu passes ta vie à être comique, je te dis que le monde rit de toi en Christ, surtout moi. Mais, des gens qui savent, comme vous, vous savez. J'ai plein de gens qui savent. Mais ces gens-là, comment se fait qu'ils s'expriment, bon? Ben, il y en a qui s'expriment, mais je parle à l'humanité, là, je parle au large. Ah, ouais. Il y en a qui s'expriment. Ma femme est allée en France dernièrement, elle a rencontré des médiums qui me connaissaient ici à Montréal, l'humanité. Il y en a du monde qui savent. Mais, je parle au monde, les scientifiques, les ingénieurs, les techniciens, les gens les plus importants dans la société, là, ceux qui travaillent avec des boats and nuts, c'est eux autres qui sont les plus bons, qui sont les plus renfermés dans leur esprit. Il y a un médecin là, qui travaille dans un cardiologue je ne vais pas mentionner le nom, là, à Montréal, de l'hôpital, là il est pas mal fasciné par le fait des morts cliniques, là. Au moins, il y a une ouverture d'esprit, il comprend pas, mais il se dit qu'il se pose des questions. Quand un cardiologue commence à se poser des questions, c'est déjà quelque chose. Tu respectes ça, un homme de même? Mm. Mais est-ce que des gens de qui ont... Anyway, inquiétez-vous pas, parce que je vais vous dire une chose. Il y a des forces psychiques dans le monde qui sont en train de s'éveiller sur la Terre, qui sont tellement grandes que le couvercle, il va sauter sur le poil. Anyway. Gorbatchev, il a changé la civilisation, hein? Il n'était pas des prophéties de Nostradamus, Gorbatchev. Non. Cherche dans Nostradamus, tu ne verras pas Gorbatchev. Gorbatchev, avec son perestroïka, toute sa patente, il a changé la civilisation. Il s'est quasiment fait sauter, parce qu'il fallait qu'il fasse sauter pour que ça change, hein? Fait qu'il y a des forces sur la Terre aujourd'hui qui sont tellement grandes que l'homme, à tous les niveaux, il va réaliser que la vie sur une planète comme la nôtre, c'est un petit jardin d'enfants, puis nous autres, on est des gosses. J'ai pas dit des couilles, j'ai dit des gosses, comme ils disent en France. Des enfants. On est des enfants. Bon, moi, je me rappelle en 69, quand j'ai vécu le contact, puis j'ai dit, on est-tu si sans dessin que ça? Il dit, absolument. Fait que j'ai fermé ma gueule depuis ce temps-là. Puis 20 ans plus tard, je commence à rouvrir. Vous le dites pour vous, là, c'est pas pour la planète, là. Pour vous, vous commencez à ouvrir. Je commence à parler. Je commence à parler. Ça va être très impressionnant quand vous allez commencer à parler. Merci beaucoup, Bernard Moyard.